to my brain. I don't just know quite why. Vocês acabaram de ouvir a Sumo, que representa a Argentina nesse nosso grupo F, com Ojos de Torcipelo. Terciopelo. E antes a gente ouviu No Tan Distintos. E Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Então agora a gente vai pro mais difícil de ser pronunciado, a Bósnia. O mata-mata aqui. Da... O Underground. Esse é o Cabeça de Chave só por ser Underground. Você pronuncia o nome da banda assim, Zabranjeno. Zabranjeno Puzenje. Zabranjeno Puzenje. Então, essa banda, ela é composta de uma escolinha, ele se auto-chama assim, uma escola de punk new wave, lá de Sarajevo, que é a capital da Bósnia. Então, ele já tem um monte de... Ele já tem trajetória até agora, eles estão desde os anos 80... A banda, eu acho interessante que eles surgirem, eles tiveram se separar no início, quando surgiu a guerra da Bósnia. É. Então, eles se separaram, tiveram que se exilar em outros países e depois, no fim, eles retomaram a banda. Bem legal. Então, agora a gente vai ouvir três músicas das Zarabenio, Zabranjeno, Puzenje. A gente vai ouvir Putju, Zredje, Rudinka, Kreka, Banovici. Depois a gente vai ouvir Abid. E a última música que a gente vai ouvir é Tri Ratna Havera. Espero que esteja certo isso. Então vamos tocar aí. Um, dois, da sutra nije subota radna. Blagi Bože, on misao nastavio noć je previše hladna. Mogu tad okrenu leđa, u potige čekala treća smjera. Treća smjera ide na put, na put u sedište od najkrata zemlje od kuti. Pola tri. Raspot oće gori. Tomuću žena vinka, panika i vika. Na stolu dvije zdjele i telegrami su čuti. Njegov duh sada gleda TV, smije se na dobro tvore koncerte. Njegov duh obilazi zamkove revolucionare iz 50 i neke. Njegov duh plaši njihovu malu djecu. Na što mu vrijedi kad ni ta djeca više ne vjeruju u duhove oputi. U pola tri. Raspot oće gori. Tomu ču žena vinka, panika i vika. Na stolu dvije zdjele i telegrami. Zaštite naše okoline. Abide, reci nam ne, otkud za to financije? 2% svake plate, niko od nas nije rekao ne. Abide, reci nam ne, jel ti mali skuplja stare novine? Moje burazere, radi u poslazi kad tržnice. A vide, reci nam ne, ima li tu manipulacije? Sarajevo, najmiliji grade, u tebi me mnogi rade. A vide, reci nam ne, hoće li biti bolje za godinu dvije? Sarajevo, najmiliji grade, popravi smo te do olimpijade. We'll be right back. cigar zapalim je rane. Noć pred gašenje olimpijskoga flamena, strašni dernek pravili smo mu pak i ja. Kroz živote nam je curila mladost kao potok što teče kroz kras. Sve što se ima tu je na stolu, ništa nije ostalo za nas. Govorio je tad moj debeli stric, nekad kroz suze, a nekad kroz smijeh, za svu vašu zepanciju jednom ćete platit ceh. Noć pred paljenje naoružanog naroda, zadnji put sjedili smo mu fakik i ja. Tri rana, tri priče, tri strane jezika, rasli smo na istoj zemlji, ali iz raznih korijena. Ufaj strahu o ljudskim pravima, kiki je kuko da mu slabi vid, ispred nas je stajao pakao, a između nas kineski zid. Na tvoj voda, nekad stari svat, ne zna se čija je glava prva, tako ovdje počne rat. Mufa je znao kome pripada, spreman je dočekao i taj dan. Ja sam se bio ispario, a Kiki je ostao da kreći stan. Preko CNN-a gledao sam Mufu sa heklerom i u tenama, kaže on, brani svoj grad ako ne brani grad. Za njega je smrad. Kiki je znao da je ta priča kurac, ali je znao čuvat za sebe. Ova je okolo ludo i smjelo, dok ga jednu noć nije odvelo. Mufa, Kiki i ja. Raznijela nas mećava na tri strane, tri puta. Stara hamera ljuta, Mufa, Kiki i ja. Mufa ga je našao nakon 7 dana u Nakoj kući na Bjelovama. Ušao je tiho i samo je rekao: puste ga da ne bije bo mater neko. Ta noć je bila gluha i hladna, a hladna je bila i miljacka. Mufa je sredio varijantu noge, čekala se riječ četnika. Pao je u blato i osjetio cijev. Vidio je facu bradatu i drsku. Vidio je smrt i čuje riječi: dobrodošli u Republiku Srpsku. U komandi ga je čekao Boro Pekar. Slušaj rode kako svi rade, prijaviš se pol dobrovoljno, šaljem te na Hrešu za mjesec dva, pataj se Kanade. Za Mufu sam čuo da je u Švici kod Burazove žene iz prošlog braka. Kažu ne može bez Sarajeva, bez te vode i tog zraka. Od Kikija je stigla radlica mala, na njoj slapovi na Nijagari. Piše moje ime i moja adresa, piše zbogom Žohari. Noć predstavljanje Dejtonskoga potpisa, sanjao sam opet smo skupa Mufa, Kiki i ja. Bio je kao hastal pun raznih džakonija, bilo je jutro rose i cvijeće i mlade.